Maman. Maman. Maman, tu es la seule femme que je n'ai pas envie de débaucher. Maman, tu es la seule femme avec ma fille et ma sœur, tu peux t'en douter. Est-ce que c'est parce que je t'aime trop qu'un baiser sur les lèvres c'est déjà trop? Maman, tu sais tout par cœur de moi, tu sais mieux que moi quand ça ne va pas. Est-ce que c'est parce qu'elle est un peu en moi? Est-ce que c'est parce qu'elle est un peu en moi? Est-ce que c'est qu'en elle je me sens chez moi? Maman, tu es la seule femme que je n'ai pas envie de troubler. Maman, tu es la seule femme dans laquelle j'ai déjà habité. Je vois l'amour partout, même chez Satan. Si je le vois partout, c'est grâce à ma maman. Je vois l'amour partout, même dans le sang. J'ai vu l'amour partout déjà dans ma maman. Je vois l'amour partout. But, but. Je vois l'amour partout. But, but, but. Je vois l'amour partout. But, but. Je vois l'amour. Jamais sans ma maman. J'évite la tôle, j'ai du toupé, je mange de la sole et du rouge. Et c'est pas à l'école que j'ai pu fourrer, je contrôle même quand je suis bourré. Je mets mon tablier de bouche et quand je serai plus en forme, je bougerai. Je roule un joint sur le dernier bourget et puis je m'envole comme au bourget. Je prendrai pas ma retraite tant que j'aurai pas la recette. Je te vole la vedette, je voulais pas qu'on me rejette. Toutes mes erreurs, je regrette. Je peux pas émettre une requête dans mes yeux, c'est l'enfer qui se reflète. Ma bite sans le romarin, je sais pas ce que je vais dire aux gamins. Mes aiglons. Faut que j'évite l'œil de sauron, j'ai de l'écaille de poisson, du saumon, de la peufra dans le pochon. En enfer ça sonne cochon, je mélange la marga dans le chaudron. Touille, touille. Tu vas brûler sur le bûcher, je t'ai vu sucer et ressucer. Vieillard, ça vale mon laitage, Alka le meilleur de l'espace. Je me régale avec du chivas, je m'évade avec une liasse, je déborde ta carcasse. Tu vegan qu'avec mon yax, mais que veux-tu que j'y fasse? Mais qui veux-tu que je lèche? Où est la pute qui me suce? Encore plus haut et plus haut, je vais viser sur le buste. BBP initialise cet instru minimaliste sur les platines. Alka plus Philippe Catherine, faut le multidisque platine. Des filles qui tapinent, je me défonce dès que je finis le casting. Je baisse jusqu'à ce qu'on zizi fatigue. Ici ça tire, attention les miches, il arrive. On est grand comme Mimi Mati. Je vois l'amour partout, même chez Satan. Si je le vois partout, c'est grâce à ma maman. Je vois l'amour partout, même dans le sang. J'ai vu l'amour partout déjà dans ma maman. Je vois l'amour partout. But, but. Je vois l'amour partout. But, but, but. Je vois l'amour partout. But, but. Je vois l'amour. Jamais sans ma maman. Ma mère, mes sœurs et mes filles, y'a quelques j'ai pas envie de blesser. Bisous. Ça vient du cœur et des tripes, mais j'ai toujours la bite dressée. Je bande toujours. Regarde les heures, elles défilent. J'ai plus le temps, je suis pressé. Vite. Je veux me barrer d'ici, toute la journée je suis pété. Fume. Je suis ténébreux et infâme, j'ai plus le temps d'être courtois. Pute. Maman, tu es la seule femme qui a toujours été là pour moi. Exact. Je suis ténébreux et infâme, j'ai plus le temps d'être courtois. Pute. Maman, tu es la seule femme qui a toujours été là pour moi.